H24 dans les jazz, mon pote. J'ai pas changé, mais j'ai plus la côte. Spy sur la côte, l'été à Marbella, l'hiver à Phuket. Depuis la guitare, je les choque. Passe par ici si tu veux, pécho. Le vol, l'argent, la drogue nous a ramené dans un chemin très sombre. C'est rien, c'est la hure. Les Yankees sont ravis. Toute l'année, je vends de la purée, du thé, car je suis pas parti. Quantité, qualité, les Yankees ravissent. Un étour sur Paname ravitaille la ville. Un appel anonyme, ça soulève ta fille. 5 piches, ça sent l'homme, ça c'est notre train de vie. T'as beau café, t'es banni gros, ça te met une fiche. Une guitare, un T-Max, ça rentre dans une biche. Un petit verre de Jack, ça tape sans mépris. Le touchy est couillé, 2 balles, 6 le kill. Qui va faire quoi? Mon pote, toi t'es qui? J'suis armé, j'mets les gants et c'est reparti. Tu veux faire quoi? Finir dans les îles, à Fleury, à Nanterre, ou bien à Oni, j'prends les RS3. Direction BX, en Smith, ça te fait mon pote dans ton lit. J'ai pas changé. Toujours anonyme, quand faut faire des thunes, on prend du plaisir. Dans un bat, ça trafique, y'a Z en esprit, des Z, mon pote, pour ça que j'l'ai détruit. Dans le bloc, ça vend produit illicite, commission rogatoire, perquis, j'anticipe. On vient d'une cité chaude, réputée pour la vente de drogue, tu le sais. Passe tout voir si t'es chaud, va te refroidir, tu rentres sans ta North Face. Les coffres sont bien remplis, les comptes en banque aussi. La peuf ramée, si dans nos blocs, si t'en veux pas se parer. Mon cœur saigne, je me baigne dans le sale. Chaque sous j'enrichis ma SACEM, je sens encore seul, ma propre famille me ment. Ce qui me faut encore plus le seum. Et on rigole du malheur des autres. Et on pleure quand tout tourne sur nos têtes. Pour oublier, je mets bagages en soute. Avant de décoller, je finis mon texte. Et je vais peut-être mourir comme Tupac. Comme Tupac au détain, même si t'as des pecs. J'ai du buzz et c'est venu sans pâte. Et la cocu m'évite comme si j'étais la peste. Goyo fait belle aide quand tu passes. Gorille dans le dessus, ça crie sa passe. Transac dans les coins qui pue la pisse. Grandis dans les coins, pas très sympa. Et je remplis des salles à foison. Je fais bouger les seufs de ta sœur. Je suis peut-être pour mon prochain feu rouge. Hey. Bombe sur la tête. On vient d'une cité chaude, réputée pour la vente de drogue, tu le sais. Passe tout voir si t'es chaud. Va te refroidir, tu rentres sans ta North Face. Les coffres sont bien remplis. Les comptes en banque aussi. La peuf ramée, si dans nos blocs, si t'en veux pas se parer ici. On vient d'une cité chaude, réputée pour la vente de drogue, tu le sais. Passe tout voir si t'es chaud, va te refroidir, tu rentres sans ta North Face. Les coffres sont bien remplis, les comptes en banque aussi. La peuf ramée, si dans nos blocs, si t'en veux pas se parer ici.